je ne sais qui le fera. J'ai un long voyage à faire, je ne sais qui le fera. Rossignol, mon bel oiseau, vole, vole chez mamie. Prenez la belle, prenez le temps, les beaux jours s'en vont passant. Prenez la belle, prenez le temps, les beaux jours s'en vont passant. Votre ami vous fait demande si vous ne l'oubliez pas. Votre ami vous fait demande si vous ne l'oubliez pas. J'en ai oublié bien d'autres, j'oublierai bien celui-là. Prenez la belle, prenez le temps, les beaux jours s'en vont passant. Prenez la belle, prenez le temps, les beaux jours s'en vont passant. Ils nous font mille promesses, mamie ci et mamie là. Ils nous font mille promesses, mamie ci et mamie là. Mais après le mariage, ils ne disent plus cela. Prenez la belle, prenez le temps, les beaux jours s'en vont passant. Prenez la belle, prenez le temps, les beaux jours s'en vont passant. Ils nous laissent en leur ménage, abandonnent les enfants. Ils nous laissent en leur ménage, abandonnent les enfants. Ils vont boire quand le soir tombe et nous oublions taverne. Prenez la belle, prenez le temps, les beaux jours s'en vont passant. Prenez la belle, prenez le temps, les beaux jours s'en vont passant. Rossignol, mon bel oiseau, vole, vole, va lui dire. Rossignol, mon bel oiseau,